suis un aiglon. Je suis né dans les hauteurs. Je suis un aiglon. Je suis né dans les hauteurs. Les épreuves peuvent devenir dans ma vie. Ma mère les épines que la maman aigle a placé dans son nid. Ce n'est pas pour tout un aiglon, mais c'est pour les pousser à voler. Mais moi je suis un aiglon. Pour moi, j'allais au ciel. Comme un aiglon qui était abandonné.